je contacte ma femme pour lui demander si elle si peut rester. D'accord. Franchement, je touche plus. Elle est plus de sang.